Le porte-parole de la Société d'études des droits de l'homme de Corée a répondu le 15 courant aux questions du correspondant de l'Agence géographique centrale de Corée du fait que l'Amnesty International a réclamé aux autorités sud-coréennes de mettre en public l'état de santé des citoyennes coréennes kidnappées collectivement et emmenées en Corée du Sud. En voici le résumé. 3 mois ont passé depuis que les autorités sud-coréennes ont lancé les agents du centre de renseignement à kidnapper au début d'avril dernier une dizaine de nos citoyennes en mission à l'étranger. Mais jusqu'à présent, elles ne vérifient pas même l'état de leur sécurité sans se contenter d'avoir bloqué tout contact avec la presse, la plus élémentaire condition dans les droits de l'homme, ce qui constitue un acte anti-humain. Cette conduite est une violation grossière de toutes les conventions internationales sur les droits de l'homme et la témérité inhumaine la plus lâche. Le fait que l'Amnesty International a réclamé aux autorités sud-coréennes d'assurer les conditions de rencontres juridiques et de dialogue avec les familles au pays natal montre que les autorités sud-coréennes font l'objet d'inquiétudes et de critiques sérieuses de la communauté internationale en tant que bande des bandits typiques qui se moquent entièrement des droits de l'homme universels et de l'humanitarisme le plus élémentaire. L'ONU, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et autres institutions internationales des droits de l'homme doivent accuser les crimes de violation des droits de l'homme ultra-géants des autorités et des agents de renseignement de la Corée du Sud et les faire comparaître au tribunal de justice et prendre les mesures pratiques pour satisfaire la demande des familles victimes de renvoyer le plus tôt possible leurs enfants.